Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue au Centre de l'Universalité. Ce soir, nous allons discuter du contact avec l'ajusteur de pensée. D'où vient notre pensée? De notre intérieur ou d'une source extérieure? Son rôle est-il de nous contrôler ou de nous servir? Devons-nous combattre cette pensée lorsqu'elle nous tient éveillés toute la nuit? Ou devons-nous l'écouter? Qu'est-ce qui nous empêche de penser clairement ou bien d'exprimer verbalement ce que nous pensons? Découvrons ensemble le rôle et le but de l'ajusteur. Vient-il à nous ou devons-nous le chercher, cet ajusteur? Ce contact provoque-t-il en nous un changement de comportement ou autre chose? Pour en savoir davantage, accueillons M. Daniel Kim. Bonsoir. Daniel, la pensée est-elle trop abstraite pour pouvoir en donner une définition? Bon, ça c'est intéressant. Il faut bien le faire, hein? La pensée, c'est déjà abstrait. La pensée est-elle trop abstraite pour en donner une définition? Qu'en penses-tu? C'est une bonne question. D'ailleurs, c'est la question qu'on devrait se poser effectivement à la pensée. Vu que c'est abstrait, quelles preuves en avons-nous sauf par la pensée? Et normalement, une chose qui se définit de par elle-même n'existe pas. Mais à travers ce n'existe pas, il faut croire qu'on pense. Donc, la pensée, est-ce que ça peut être défini? Si on opère une personne et qu'on tripote un peu son cerveau, remarquez que des fois, entre couples, ça se tripote sans opération, mais enfin, si on opère et on tripote le cerveau, on peut découvrir que la pensée ne peut pas suivre le même cheminement. Est-ce abstrait ou concret? Si tu prends de la boisson, il y aura quand même une perturbation, donc une altération. Si par la boisson, on altère le corps physique, il y a de toute façon altération de ce qui normalement s'exprimait, ce qu'on appelle la pensée. Alors, si la pensée n'est pas altérable par la boisson, elle est prédisposée ou elle est assujettie à la solidité du corps physique. Alors, le corps physique est concret. Je pense que le monde a suffisamment souffert de maux de tête ou de etc. D'ailleurs, Bayer a inventé l'aspirine en 1800 quelque chose et puis ça marche encore. La pensée, ça peut être défini comme étant l'expression d'une énergie qui porte le nom d'âme, d'ego, de psychologie qui est la science qui étudie l'âme, qui est exprimée par le système neuronique de l'âme, exprimée par la suite par la gestuelle, les centres moteurs, ou par la linguistique, la parole. Mais il faut comprendre que la pensée peut aussi être exprimé par un système plus inconscient, dans, biologiquement parlant, celui du système endocrinien, qui souvent va exprimer aussi la pensée inconsciente. Alors, abstraite ou concrète, la pensée peut être divisée en deux. Une pensée qui est volontaire apparemment, parce que la pensée n'est jamais volontaire. Une pensée consciente et une pensée inconsciente qui n'est pas plus volontaire que l'autre. La pensée inconsciente s'exprime par la voix du système endocrinien, c'est-à-dire qu'on aura une accélération cardiaque, on aura une transpiration, qu'on appelle souvent la peur, ce qu'on appelle la gêne, l'angoisse, la honte, la joie. Ces phénomènes inconscients vont être exprimés par le système endocrinien. Et au niveau de la pensée consciente, la logistique, l'intellect, le mental, ce phénomène va être exprimé par la voix neuronique, c'est-à-dire par le système des deux hémisphères cérébraux. Maintenant, lorsqu'une personne vit, elle peut exprimer une pensée consciente et inconsciente de même valeur en même temps. Autrement dit, la personne peut avoir peur, savoir qu'elle a peur, dire qu'elle a peur, c'est l'expression consciente, et en même temps avoir une accélération cardiaque, avoir une transpiration, avoir d'autres choses, qui est l'expression inconsciente. Et lorsque l'on demande à l'homme de contrôler sa pensée, bien, on essaie de faire en sorte que la pensée consciente contrôle la pensée inconsciente. Moi, j'ai pas très bien compris ce que tu as dit. Que la pensée, elle est pas volontaire. Il y a pas personne, les gens sont capables de penser ce qu'ils veulent et puis ils sont capables d'empêcher la pensée de les déranger. Ouais, bon voilà, ça c'est un phénomène, disons, qui est relié au mensonge cosmique, c'est-à-dire qui fait partie des archétypes mensongers. L'être humain est converti à croire qu'il a un libre arbitre et il est converti à croire qu'il pense. Maintenant, l'homme ne pense pas. L'homme croit penser. On peut dire l'homme pense qu'il pense, mais en réalité, l'homme ne pense même pas qu'il pense. L'homme croit qu'il pense. L'homme a la certitude qu'il pense, mais en même temps, parce que tu dis que l'homme peut penser, bon, à volonté, et il peut aussi cesser de penser à une chose. Mais on sait que cela est faux, parce que l'être humain qui veut dormir, eh bien, ça pense dans sa tête, ça l'empêche de dormir, donc en partant, c'est lui qui pensait. Faudrait que je sois complètement fou ou calme. Faut dire, je veux dormir, puis en même temps, on continue à penser. Hein? Il y a un problème quelque part. La personne qui s'inquiète, la personne qui s'ennuie, sa pensée n'est pas capable de créer, alors nécessairement, si elle contrôlerait sa pensée... C'est comme si la pensée était un bistouri et tu dis que la personne qui se charcute le bras, eh bien, elle veut arrêter, puis vu que c'est elle qui contrôle, bien, voilà, elle continue pareil. Et on va expliquer dans l'évolution orgueilleuse de la psychologie que finalement, c'est parce que tu veux penser, mais c'est inconscient. Vu qu'on ne peut pas t'empêcher de penser consciemment, eh bien, disons que tu penses inconsciemment. Mais si tu penses inconsciemment et que tu ne contrôles pas l'inconscient, de toute façon, on en revient à la même chose. Ce n'est pas toi qui penses. C'est pas moi qui pense. Ce n'est pas toi qui penses. C'est tout ce qui se passe dans ta tête est une manipulation. D'ailleurs, tout le cheminement de la conférence va être une manipulation. Là, j'ouvre ceci pour boire de l'eau. S'il serait ouvert, je l'ouvrirai pas. Bon. Je bois parce qu'à un moment donné, la gorge aura soif. Je te donne un peu d'eau. Si je te laisse le temps de parler, tu auras soif. Bon. Moi, je croyais, moi, j'aurais gagé qu'on était créateur et maître à 100% de notre pensée. Oui. Alors, nous sommes créateurs. D'ailleurs, la conférence porte sur l'ajusteur de pensée parce que, justement, l'homme n'est pas maître à 100% et il n'est pas créateur avec sa pensée. Il est conditionné à croire que c'est lui qui pense. Alors, à un moment donné, il va dire « j'ai faim ». Mais c'est l'estomac qui vient de penser. Et l'estomac est conditionné par le corps physique qui vient de gaspiller de l'énergie et qui manque donc de nutriments. Il va dire, oui, mais c'est quand même moi qui choisis ce que je vais manger. Encore là, c'est faux. Premièrement, physiologiquement, le corps a ses goûts, qui fait que l'individu qui est suffisamment en attraction avec son corps physique et son corps vital, aura le goût de ce qu'il a besoin. Et il y a aussi l'éducation. Alors, à un moment donné, on finit par gustativement aimer certaines choses et on va dire, oui, mais c'est quand même moi qui décide mes goûts. C'est encore faux, parce que c'est les papilles gustatives qui décident les goûts. Parce que si on électrocute quelques papilles, tu vas manger des choses absolument abominables que tu trouves très bonnes. Hein? Mais si tu dis que c'est la pensée qui nous dit, si c'est le corps qui nous dit qu'il a faim et tout, pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on mange des produits chimiques qui seraient néfastes à notre santé? Pourquoi est-ce que la pensée ne nous a pas aidés à continuer à nous nourrir bien? Mais la pensée, c'est pas là pour aider l'homme. Mais c'est ça, on peut pas la mettre à notre service? La mettre à notre service, la meilleure chose de mettre la pensée à son service, c'est de la démolir, de l'annihiler, de l'éliminer. Alors, il va rester chez l'homme le savoir instantané, il va rester chez l'homme la parole, et c'est d'ailleurs le travail de l'ajusteur de pensée, que d'arriver à ajuster la pensée de façon à ce que la pensée cesse de nuire à l'homme. Présentement, l'être humain est manipulé par sa pensée provient de ses mémoires, parce que l'être humain, si tu fouilles un peu dans ta mémoire, tu vas être capable d'accepter ce que je te dis. L'homme, la femme, l'enfant, ne peut pas penser s'il n'a pas en mémoire les nutriments à sa pensée. Tu ne peux pas penser en arabe parce que tu n'as pas dans ta mémoire la langue arabe. Tu ne peux pas penser à des choses que tu ne connais pas. Si tu élimines la mémoire, tu élimines la pensée. Donc, nécessairement, la pensée est préprogrammative, elle est préprogrammée et elle oblige l'humain à agir dans un sens plutôt que dans un autre parce que, on appelle cela l'éducation, le milieu. Si tu as été éduqué à détester les Noirs, tu seras raciste. Si tu as eu une expérience avec cette race ou avec d'autres races, peut-être que tu trouveras qu'il ne faut pas être un raciste. Mais ce n'est pas un choix délibéré de l'individu. C'est bien simple. Si tu n'es pas raciste, eh bien, j'ai à demander à quelques-uns de mes amis de t'accrocher une fois par mois, de te violer. Ce sont tous des Noirs. Et puis, à un moment donné, ben, tu seras raciste. Alors, la pensée, elle est mémorielle. Ce n'est pas l'homme qui la contrôle. La pensée, ce n'est pas là pour aider l'homme. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la chasser, cette pensée-là? Si on la chasse, c'est qu'on pense qu'il faut la chasser. Alors, on est perdu. Mais alors, qu'est-ce que toi, tu dis qu'il faut faire? Tu dis que la pensée, elle nous amène des fois, il faut Elle nous amène comme à mal nous nourrir, si je prends le sujet de ça. Elle nous amène à mal nous nourrir. On peut constater en tout cas qu'elle nous amène pas trop bien nous nourrir. Et ceux qui veulent bien se nourrir, c'est ceux qui ont appris qu'ils se nourrissaient mal. Donc, la mémoire, la programmation, le stéréotype, la mode au végétarisme pour évoluer. Il y a beaucoup d'individus qui me demandent, mais c'est êtes-vous végétarien? Lorsque je leur réponds non, eh bien, ils sont presque insultés ou ils comprennent pas. Et oui, non, quelqu'un comme vous là, qui parle d'évolution. Ouais, oui, je ne vois pas le rapport entre manger de l'herbe et puis évoluer. Mais alors, ce serait quoi pour toi, pour vous, cette évolution-là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pensée, c'est extrêmement utile à l'homme. C'est ce qui emmerde l'homme, mais c'est ce qui, présentement, permet aussi à l'homme d'évoluer. Et on sait que l'homme évolue suffisamment, dans suffisamment de contraintes, de souffrances ou de désillusions. Parce qu'il croit toujours qu'une chose est correcte. On a des humains qui acceptent la mort d'autrui, mais lorsque c'est la leur ou celle de leurs proches, ça ne fonctionne plus. La pensée, elle est là pour permettre à l'homme, pour obliger l'homme à se créer une espèce de réservoir d'énergie qui lui permettrait de pouvoir devenir suffisamment solide pour pouvoir servir de base à un contact avec une énergie supérieure au plan mental, une énergie qui n'est pas tributaire de la mémoire de l'homme, donc qui ne provient pas de la pensée de l'homme. Et pour cela, la pensée doit obliger l'homme à découvrir que ce qu'il recherche ne provient pas du bas vers le haut, comme c'était dans l'Antiquité, mais que cela va provenir du haut vers le bas maintenant. Et la pensée oblige l'homme à avoir des désirs, à avoir de l'émotion, l'expérience intra-amique à l'intérieur de l'âme, de l'ego, d'avoir une expérience de vie qui va continuellement lui prouver que ce n'est pas ce qui présentement le constitue qui a le libre-arbitre, qui est intentionnel, actionnel ou créateur, et c'est pourquoi la pensée existe. L'âme est de la matière. Cette matière, elle accumule de l'énergie et elle devient animée. Lorsqu'elle devient animée, elle peut finir par être suffisamment énergisée pour arriver à se couper du contact avec l'énergie tellurique. L'animal n'y prend pas forme, maintenant le végétal est abandonné. Par contre, il devra manger des végétaux qui, eux, restent en contact avec l'énergie yin solaire et l'énergie yin tellurique. À un moment donné, il devient suffisamment puissant qu'il est capable de vivre une autre forme d'évolution et il devient carnivore. Pourquoi? Parce que la viande est ce qui permet l'évolution chez l'homme. Ce n'est pas le végétarisme qui permet l'évolution. Le végétarisme permet la pacification, l'esclavagisation, mais pas l'évolution réelle. Les peuples végétariens sur la planète sont des peuples qui sont sous-développés. On peut regarder l'Inde, il y a des personnes aux Indes évidemment qui sont correctes, mais si on regarde les peuples qui ont un régime social ou théologique végétarien, ils sont toujours dominés. Ils ne sont jamais dominants. Par contre, les peuples qui mangent de la viande, et plus ils la mangeront crue, plus ils seront violents, belligérants, plus ils auront des intentions, plus ils auront de la pensée, plus ils auront des désirs d'agir, et plus ils entreront dans une action par rapport à leur pensée. Et c'est là que l'évolution apparaît, parce que entrant dans une action, ils vont se frapper au mur de la vie. Ce que le pacifiste ne découvre pas. Le végétarien, lui, n'a pas besoin de tuer. Donc, il n'a pas besoin d'être suffisamment intellectuel pour développer des plans pour la chasse, des plans pour conquérir, des plans pour ceci, des plans pour cela. Le végétarien, il cueille et il bouffe. Oui, mais il faut qu'il choisisse sa plante aussi. Il ne choisit pas sa plante, c'est le corps qui l'a choisi. Le végétarien n'a pas... Aujourd'hui, on essaie de raffiner pour faire la cuisine. Mais ce n'est pas, tu n'as pas besoin, regarde. Tu réfléchis pour faire la cuisine et végétarien et carnivore. Sauf que pour la ramasser, ça devient facile, tandis que le carnivore, lui, est toujours en chasse. Il doit être à l'affût, il doit développer ses sens, il doit développer son contrôle. Tandis que le végétarien, à moins évidemment qu'il veuille bouffer des plantes carnivores. Donc là, il y a peut-être un stress à les ramasser. Bon. Mais sinon. Ça dit alors que le végétarien est dépendant. Le végétarien est un être, et attention, je parle des peuples végétariens, sont des peuples dominés. Je ne parle pas d'un végétarien. J'ai dit souvent que la majorité des végétariens végètent à rien, et c'est un fait. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a des végétariens, évidemment, qui fonctionnent, mais ceux-là ont le corps physique pour maintenant fonctionner. C'est-à-dire qu'ils ont développé suffisamment leur pensée par la viande. Ils ont développé suffisamment leur mental par l'expérience avec la vie qui est souvent désillusionnante, c'est-à-dire qu'on est souvent déçu. Et parce qu'ils ont développé leur mental pour essayer de créer une logistique qui leur permettant d'avoir raison, ben à un moment donné, ce mental devient suffisamment énergisé qu'il entre en contact avec ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée. Et là, la pensée qui veut des désirs et qui va un peu n'importe comment, commence à être ajustée. C'est-à-dire que pour la première fois, cet animal humain, cet être humain évolutif, ascendant, entre en contact avec lui-même. Parce que l'homme pense qu'il est ce qu'il voit. Mais l'homme est autre chose, la pensée. Ce que l'homme pense qu'il est provient de la mémoire. Donc, vous êtes tout ce que vous... Enfin, vous êtes tout autre chose que ce que vous voyez. Moi, je ne peux pas dire je suis Daniel Kemp en fouillant dans ma mémoire, parce que dans ma mémoire, je vais avoir une chose extrêmement limitée, mais franchement, royalement limitée. Je suis quoi? Je suis juste ma mémoire expérientielle. Je suis un Montréalais. Je suis un Québécois. Je suis un ancien ambulancier. Je suis une grande gueule. Je suis... Bon, mais franchement... Ça me dit pas qui je suis. Ça me dit qui j'ai expérimenté. Aïe. Mais ça ne me dit pas qui je suis. À un moment donné, l'humain entre en contact avec quelque chose qui va avoir la faculté de régir la mémoire de l'homme, de régir la pensée dans l'homme et d'aligner les mots de façon à ce que maintenant, quelque chose de plus puissant puisse être exprimé et surtout par la parole. Parce que l'homme peut parler plus vite qu'il ne peut penser. Alors ça, c'est l'ajusteur de pensée qui fait. L'ajusteur de pensée va venir permettre à l'homme, et c'est pourquoi l'être humain doit développer ce contact avec son ajusteur de pensée, il doit en arriver à être capable de changer ses phrases lorsqu'il parle. Ça va venir aussi dans sa tête, ça va de soi. Et faut faire attention, l'ajusteur de pensée ne parle pas à l'individu. Ça, c'est un maître, un gourou, enfin, un imbécile, une cochonnerie, qui, dans la conscience de l'homme, prouvant qu'il ne le pense pas, vient penser à sa place, il vient lui suggérer des choses. L'ajusteur de pensée, c'est toi. C'est l'homme. C'est l'individu qui dit, bon, ben, soir, ça me tente pas de sortir, ce qui fait que si je reste ici, je m'ennuie à mort. C'est l'ajusteur de pensée. La personne, elle disait une chose, et puis à un moment donné, parce que la pensée veut la laisser là, elle va s'ennuyer, l'ego a besoin de se nourrir de l'ennui de temps en temps, cela lui fait prendre conscience qu'il a de l'importance par rapport aux autres, et cela lui fait prendre conscience aussi qu'il doit être important par rapport aux autres, c'est-à-dire que lorsqu'il s'ennuie, il recherche à être désennuyé, il recherche autrui, le téléphone, et bon. Lorsque l'ajusteur de pensée entre en fonction, la personne pourrait dire, bon, mais c'est ça, c'est encore une maudite journée plate, puis à force de chialer comme ça, on m'aurait fait plus plate qu'elle. Cet ajusteur de pensée, est-ce qu'il y a un moyen d'entrer en contact? Est-ce qu'on a quelque chose à pratiquer pour entrer en contact avec? Ben oui, mais pas pour entrer en contact avec, pour reconnaître son contact. Bon, qu'est-ce qu'un ajusteur de pensée? C'est une bonne question. Qu'est-ce que l'ajusteur de pensée, merci, Pierre? Voilà. L'ajusteur de pensée, c'est parce qu'il faut faire extrêmement attention dans l'idée. On fait une conférence, on parle de certaines choses, et souvent la pensée, hein, je pourrais dire souvent l'homme, mais il y a deux hommes, il y a l'homme cosmique qui est de l'esprit, qui est de la supra-esprit, qui est de la supra-énergie, en dessous de ça qui est de l'esprit pur, qu'on appelait théologiquement le Saint-Esprit, et qui entre en contact par une mécanicité, l'ajusteur de pensée, qui entre en contact avec le mental et qui finalement vient travailler avec l'homme. Sauf que l'ajusteur de pensée dans la pensée de l'homme est souvent personnifié ou personnalisé. C'est-à-dire que l'humain va essayer de comprendre, lorsque je parle d'ajusteur de pensée, que c'est une bébite, un extraterrestre, un dieu, un ange gardien, quelque chose, qui descend et qui commence à travailler avec l'homme. Ce n'est pas ça. L'énergie, ça existe. Si on prend une molécule de matière, la plus connue peut être, par exemple, le plutonium, et on la fissure, eh bien, ça crée un petit soleil. On appelle ça une explosion thermonucléaire. Puis qu'on en met un petit peu ensemble, on appelle ça l'explosion d'une bombe nucléaire. Bon. Si on prend de la matière et qu'on veut libérer la lumière contenue dans la matière, ça crée de l'énergie. Et même cette énergie, elle est encore du domaine de la matière, c'est-à-dire qu'elle est limitée au déplacement de la lumière, près de 300 000 km à la seconde, donc elle est limitée par le temps et l'espace. L'être humain est constitué de matière physique, c'est-à-dire que si on fissurait un être humain, eh bien on aurait suffisamment d'énergie nucléaire, enfin d'énergie tout court, pour balayer une grande partie de notre terre, par être humain. Bon. Et puis, il y en a évidemment ici qui ont un peu plus d'énergie. La balance se prouve. Bon. Bon. Lorsque l'homme vit dans ce contexte énergétique, lorsque l'être humain est épuisé, il manque d'énergie vitale. Lorsque l'être humain n'est plus capable de penser, il manque d'énergie psychologique, astrale ou mentale. Et l'ajusteur de pensée, c'est une condition atomique qui vient gérer le système neuronique. Alors, je vais donner un petit cours de médecine et de chimie et de physique, mais très simple. Bon. Un neurone, c'est une petite cellule, et on en a quelques milliards dans la caboche. Jusque-là, c'est pas compliqué. Bon. Il y a 10 fois à 100 fois plus de cellules gliales qu'il y a de neurones. Et les cellules gliales, bien que la médecine ne sache pas encore trop à quoi elles servent, servent énormément à l'homme nouveau dans sa faculté d'exprimer le savoir instantané, l'intelligence active, l'esprit, l'énergie supramentale, qui va être exprimée dans le début par l'ajusteur de pensée. Le neurone, lui, a la faculté atomique, il est constitué d'oxygène, d'hydrogène, disons de carbone. Bon. Cette structure chimique, elle vibre. Un atome, on a déjà vu un peu comment c'était fait quand on écoutait la série télévisée Atomar. Hein? T'as écouté ça? Bon. Voilà. Alors, un atome, c'est un noyau autour duquel tournent des électrons. Mais les électrons tournent d'une façon folle. Hein? Et le noyau est constitué de protons et de neutrons dans la majorité des cas, sauf dans le cas de l'hydrogène léger. Maintenant, chaque neutron, chaque proton va être constitué aussi de particules subatomiques auxquelles on va passer. Notre noyau fait que des électrons tournent autour. Si on donne de l'énergie à cet atome, l'électron change d'orbital, c'est-à-dire qu'il saute de niveau et tourne plus loin. Si on retire de l'énergie, il redescend. Mais si on donne de l'énergie et au noyau et à l'électron, on peut forcer notre électron à tourner plus rapidement. On peut aussi, selon la façon dont on va travailler avec notre atome, rapprocher l'électron de quelque peu dans son orbital ou l'éloigner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque neurone, même si elle a la même constitution chimique, n'a pas nécessairement la même constitution atomique ou subatomique, énergético-atomique. On appelle cela des polymères. Même constitution au niveau de l'analyse, mais tout à fait différent dans la forme. Un exemple. Le diamant, c'est du carbone pur. Le charbon, c'est du carbone pur. L'un est noir, opaque, friable. L'autre est transparent, cristallin, presque incassable. Mais les deux sont du carbone pur. Alors, il y a une maudite nuance entre les neurones d'un homme nouveau, d'une personne transitive et d'une personne ancienne. Si on fait l'analyse chimique, c'est similaire. Mais observez le carbone, diamant et charbon, et puis on verra un peu ce que c'est qu'une transformation, un isomère, polymère, dépendant des cas. Bon, lorsque le cerveau est toujours dans la recherche de quelque chose, vous vous posez des questions, vous n'êtes pas ici par hasard, l'être humain se pose des questions. Plus l'être humain a de la mémoire, et notre société est bâtie pour ça, tu as tellement de possibilités d'achat, hein, ou de chiolage, que tu as des désirs. Tu as des peurs, des craintes, des angoisses, des désirs sociaux qui font partie de ce 20e siècle et qui font partie du contexte nord-planétaire. À travers cela, vivant la désillusion, l'homme pense. Mais à travers cette pensée, il essaie de la rendre logique de façon à devenir de plus en plus efficace. Là va naître l'intellect. Et l'intellect peut enfin se transformer en mental parce que l'humain veut finalement, maudit, avoir un livre arbitre, il veut comprendre, il est écœuré. Finalement, il est écœuré d'être écœuré. Ça n'a plus de sens, il comprend plus, il comprend qu'il comprend pas. C'est déjà une bonne base. Il sait plus, il sait pas ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut plus, fait qu'il est pogné. Drôlement pogné. À travers cela, l'humain qui reste en vie pose des questions, pose des questions, pose des questions, et finalement, il oblige son système neuronique à travailler. L'obligeant à travailler, il va lui amener de l'énergie vitale, c'est-à-dire qu'il va le nourrir. C'est pourquoi les mathématiques, l'ordinateur chez les enfants, ce sont des choses qui obligent une programmation axonique, les fils entre les petits neurones, et qui obligent en même temps un neurone à devenir de plus en plus solide, comme une cellule musculaire. À un moment donné, ce neurone-là qui vibre, vibre comment? Un neurone, c'est une chose plastique, là, avec un fil. À un moment donné, ça s'écrase. On appelle ça une dépolarisation. Ça envoie un signal à un autre neurone, et puis finalement, après avoir fait plusieurs croches et virages, dans la tête, ça donne le feeling de la pensée, c'est-à-dire que ça permet la réaction corporelle ou endocrinienne. Pour l'âme, elle baigne le corps. À l'intérieur de cette âme, il y a la focalisation mémorielle, l'ego. Cela est en correspondance avec l'homme. On sait que l'homme pense et la science va dire « Oui, mais c'est à cause du cerveau. » C'est faux. Pas de cerveau, tu continues à penser. Sauf que personne ne le sait, tu ne peux pas l'exprimer. Mm-hmm. Bon, une personne qui est carrément gelée, bien raide, même si elle aurait un électroencéphalogramme plus ou moins plat, il y a des réactions neuroniques ou neurologiques qui vont être détectées par l'électroencéphalogramme, mais la personne continue à penser, mais elle est dans un rêve, dans le monde astral, c'est-à-dire qu'elle ne communique pas par le corps physique la pensée. Cette énergie, l'âme est paramétrée par de l'énergie vitale, exactement la même chose, yin et yang ou aminal, qui anime le corps de l'homme. Cette énergie vitale, elle entre en correspondance neuroniquement avec le cerveau. C'est-à-dire que c'est cette énergie-là qui, à un moment donné, fait vibrer la constitution atomique des neurones et lentement, un neurone se dépolarise et engendre la pensée biologique, détectable par l'électroencéphalogramme, par la gestuelle corporelle ou par le système endocrinien. L'ajusteur de pensée, c'est lorsque l'être humain essaie de légiférer, de rendre logique, de voir les choses. Donc, ça se pratique. Et à un moment donné, on a déjà parlé à un moment donné de la parole juste, c'est un peu ça. Avec la parole juste, c'est-à-dire lorsque l'humain parle et s'écoute parler, il arrive à éliminer certains mots ou à vouloir raffiner son vocabulaire de façon à ce que le mot qui va sortir contienne énergétiquement exactement la valeur de ce qu'il avait perçu. Appelle cela penser au perçu. Parce que, bon, on va revenir là-dessus. Lorsque cela se fait régulièrement, le système neuronique, une partie du cerveau proche de la glande pinéale, va être sur-nettoyée par la circulation du liquide céphalo-rachidien. Hein, on a une ponction lombaire, c'est un peu ça, mais là, on nettoie pas, on en prend un peu. Bon. Alors, la marche. Lorsque l'on marche, ça fait bouger le bassin de haut en bas, quelque peu. Ça, c'est la pompe sacrée. Ça accélère la circulation du liquide céphalo-rachidien et c'est pourquoi beaucoup d'individus vont penser mieux après une marche. Bon, il y a des exercices que l'on peut faire pour pomper ça. Il y a des techniques qu'on peut apprendre pour arriver à faire un nettoyage cérébral. Lorsque le cerveau travaille un peu plus, l'humain doit s'alimenter convenablement. Et c'est pourquoi le végétarisme peut commencer lentement à apparaître lorsque l'homme est rendu au niveau du contact avec l'ajusteur de pensée. S'il arrive trop de bonheur, tu n'auras pas suffisamment d'expérience stressante au niveau de l'ego, au niveau d'émotion, tu seras trop pacifique et tu pourras être l'esclave parfait qui ne souffrira pas d'être esclave, mais ce n'est pas le rôle de l'homme que d'être un maître esclave. À un moment donné, certaines parties du système neuronique au niveau subatomique se contractent. Donc, cela crée une différenciation par rapport aux autres neurones, même si la constitution chimique est la même. Et ces neurones ne se dépolariseront plus tout seuls. C'est-à-dire que l'homme ou la femme ou l'enfant qui commence à parler. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui vient d'acheter une nouvelle auto. Pendant qu'elle pense, cela est transmis au niveau cérébral pour être interprété par l'interpréteur actionnel et engendrer la parole. Et pendant qu'elle fait cela, dans le cerveau, il y a un cheminement électro-dépolarisant, un cheminement, disons, électrique. Chimio-électrique, mais disons électrique, et à travers les petits fils, ça engendre un champ aussi d'énergie vitale qui dépolarise d'autres neurones. Cela s'appelle le coq à l'âne. Alors, je commence avec une chose, puis la pensée, elle s'en va comme un vieux singe, ça saute d'arbre en arbre. Pas le même de même, c'est bien fun. Mm-hmm. Et la personne, finalement, c'était bien intéressant la soirée, parlez de rien, de tout, pour faire passer le temps. On a pensé à haute voix. Lorsque les neurones changent lentement par l'évolution que l'individu se fait, les neurones ne se dépolarisent plus seuls. Alors, lorsque la personne commence à penser, elle peut maintenant suivre un canal de pensée et elle ne peut pas être sortie. Elle est attentive, elle n'est pas concentrée. Donc, elle n'a pas besoin de se concentrer sur un sujet et de demander qu'on la dérange pas. Alors, elle contrôle son corps pour avoir un contrôle sur la pensée. C'est-à-dire que le corps change. Elle ne contrôle pas son corps, le corps change tout seul. Le corps doit arriver à s'auto-contrôler, puisque la personne ne contrôle pas son corps. Par contre, par l'échec, on se plaint toujours de la souffrance, des problèmes, parce que tout à l'heure, dès que l'homme était quand même créateur, il avait 100% le contrôle de sa pensée, à quoi ça sert de contrôler une chose qui sert à rien? Je pose la question. Moi, je pense que je vais un jour être millionnaire. Oui, c'est pas pensé. Bon. Moi, je pense qu'un jour, je vais vivre 300 ans. Pensez. Moi, je pense que je vais rencontrer la personne idéale. Pensez. Moi, je pense que je vais avoir un bon job. Pensez. Mais la réalité peut être, et elle est souvent, autre chose. Et c'est pourquoi l'homme pense. L'homme pense exclusivement pour se frapper à des murs. Et pour pas que l'être humain se suicide, de temps en temps, ben, les murs s'estompent et puis l'être humain passe. Mais on peut penser, hein. Oh, vous savez sans doute la majorité d'entre vous que ce qui nous fait le plus peur arrive à peu près jamais. Mais ça occupe d'y penser. Ce qui nous inquiète le plus, parce qu'une personne qui s'est inquiétée à un moment donné pour son mari, sa femme, ou sa mère, son père, ses parents, ses enfants, elle s'est fait quitter, je me suis inquiété 15 ans pour mes enfants. Ben, c'est bien la preuve qu'il s'est inquiété pour rien. Parce que s'il serait mort la première inquiétude, il ne serait pas inquiété 15 ans de temps. Hein? Bon, donc c'est pour ces 15 ans à passer le temps. Et la pensée sert justement à ça, elle sert à écœurer. L'individu arrive à suffisamment travailler avec sa tête. Il doit pour cela vivre comme vous vivez. Il doit se taper la tête de temps en temps sur les murs. Il doit être joyeux et il doit être déçu. Il doit penser, désirer, rêver et continuer à être déçu. Il doit toujours continuellement se répéter « J'aurais dû faire ça. Ouais, maudit, j'aurais dû allumer ma radio. Si je passais par là, je l'aurais fait réparer. Ah, merde, t'aurais dû penser à ça avant. De là, maintenant, t'as pas que t'es un peu tard. Bon, tu peux t'acheter des culottes, t'arrives chez vous. Ah, j'aurais dû les faire rétrécir. Pourquoi t'es pensé pas tout à l'heure? Ça occupe l'homme, ça. Mm-hmm. Tout ça sert à rien, ça fait partie du passé. Mais ça occupe l'homme. Quand on aurait dû amener un lunch. Ça occupe, c'est intéressant. Si tu as assez d'argent, on pourrait aller voir un but. Non, merde, j'ai pas pensé. Ah, oh, attends, on aurait dû y penser. Ben oui, maudit, ça arrête le fun. Ça occupe. Mais ça y fait passer le temps, c'est plaisant. Ça occupe. Mais ça ne sert à rien d'autre qu'à occuper. Et parce que ça occupe, ça génère chez l'homme le désir. Et le désir généré chez l'homme oblige l'homme à bouger. Parce que l'être humain, qui n'a pas la compréhension intelligente de pourquoi faut qu'il mange, ben, faut qu'il ait faim. Hein? Il n'y a pas le choix. Bon. Puis il mangera toujours les mêmes affaires. Fait qu'il faut qu'il t'écarte. Pas le choix. Faut qu'il voie d'autres choses, puis faut que ça y tente. Alors, on met des pois verts dans une canette, puis on met un papier plat dessus, puis on met pois verts. Oups. 39 ans. On met des pois verts dans une autre canette, et puis on met un beau collant coloré avec Michael Jackson dessus avec un pois vert entre les dents. Puis là, on met 1,29$. Puis vous pouvez être sûr que c'est celle-là qui va être achetée. Mais ça permet à l'humain de triper, c'est au bout. Et cela fait qu'à un moment donné, l'humain s'écarte de triper. Fait, j'ai cru à ceci, ça marche pas. J'ai prié, puis bon, je me suis rincé les genoux à certaines places. Des fois, ça marche, j'ai déjà expliqué comment, mais ça marche pas pour la majorité. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai répété 25 fois à une personne. En tout cas, on en passe du temps avec la pensée. Et ça sert à obliger l'humain à se diriger vers quelque chose d'autre qui ne provient pas de la prière, même si par la prière on peut avoir des résultats. Mais l'intelligence instantanée, l'esprit, ça ne se prie pas. Ça vient quand t'es prêt. Fait que bon, il faut pour que ça vienne, pas le temps. Bon, donc tu peux pas prier. Ça vient exclusivement lorsque l'expérience de vie de l'individu l'amène à être écœuré. L'amène à vouloir avoir des raisons intelligentes. L'amène à vouloir comprendre. Là, je suis tanné de croire, je suis tanné de triper. Tu sais, je me pose des questions. Je comprends pas comment ça se fait que les gens, ils s'en posent pas des questions. Lentement, l'ajusteur de pensée se rapproche. Puis là, tu dis, oui, mais ça n'a pas de sens, maudit, tu sais, c'est tellement évident, puis l'autre, tu comprends rien. Comment ça se fait? Ça se rapproche. À un moment donné, l'homme commence à être tanné, puis il comprend pas que les autres comprennent pas. Malgré que lui comprend pas tout, puis il comprend pas ça non plus. Bon. À un moment donné, il finit par poser des questions et l'ajusteur de pensée commence à agir à travers la question. À un moment donné, l'individu va poser une question tellement claire qu'il va voir que la réponse est là. Mais pour cela, il doit apprendre à écouter ce qu'il dit et non pas juste à parler pour parler. Le fait de pas pouvoir dormir le soir parce qu'on a vraiment un problème ou que la pensée nous trotte dans la tête, ce qui serait le meilleur à faire, ce serait de dire, bon, OK, on la balance et puis on s'endort. Non. Mais ça va mettre notre côté personnel à terre, si c'est un travail. Premièrement, il n'y a pas de danger que le côté personnel soit à terre, parce qu'en disant ça, tu n'arriveras jamais à la balance. Il n'y a pas une pensée qui s'en va quand tu penses qu'il faut qu'elle s'en aille. Non, tu peux arriver à t'endormir puis dire, bon, il arrivera ce qui arrivera. Oh oui, il y a des personnes qui peuvent arriver à s'endormir, il arrivera ce qui arrivera. Sauf qu'il y en a qui ont toujours réussi ça, puis depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 semaines. Ça ne pas pourquoi, mais ils dorment plus. Bon. Il y en a d'autres. Ah, moi, je m'endors. Tiens, reste là. À 4 heures, je suis toujours réveillé. Puis, j'arrive plus à dormir. Puis, je suis en pleine forme des fois. Mais à 8 heures, là, je commence à dire. Bon. Il y a tellement d'amuse-gueule pour occuper l'humain. La personnalité à terre, ça dérange quoi? Il n'y a pas de problème. Parce que la personnalité, c'est une farce aussi. La personnalité, c'est la nourriture de la pensée. Tu te regardes dans un miroir et puis là, c'est le retour. Les autres aussi servent de miroir, c'est-à-dire que les autres aussi créent le retour. L'onde de forme, c'est une nourriture intelligente, mais la personnalité, il faut faire attention. Parce que l'humain, souvent, joue avec sa personnalité. Sa personnalité, c'est, comme j'ai déjà expliqué un petit peu, on a ici un récipient qui est noir. Cela veut dire que la lumière blanche est totalement absorbée. Et si elle est totalement absorbée, cela veut dire qu'elle n'en sort plus. Donc, tu vois noir parce que tu ne peux pas voir de lumière blanche. La couleur du pot, c'est blanc. Toute la lumière blanche est dessus. Parce qu'elle ne sort plus du pot, puis elle ne va pas à tes yeux, bien évidemment, tu n'en vois pas. C'est le même phénomène que le trou noir. Alors, si on regarde une feuille rose, eh bien, toutes les couleurs sont absorbées, sauf le rose, qui est rejeté, qui chemine dans l'air, frappe dans le vide, dans l'air, frappe les yeux, et on voit rose. La fleur, elle est toutes les couleurs, sauf le rose. Alors, on va dire sa personnalité. Oui, mais la personnalité de l'humain, c'est souvent tout ce qu'il n'est pas. Et il se plaît à triper avec toi. Et bien souvent, les personnalités sont fausses. Moi, quand je travaillais pour Urgence Santé, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'à un moment donné, on rentrait dans une maison d'un acteur très connu. Et l'acteur, il était plus ou moins à poil dans sa toilette, il était tombé en bas, puis il s'est cassé quelque chose. Et puis, là, sa personnalité, elle était dans la toilette. Puis, la personnalité, c'était pas tellement différent de la cité sociale, du chômeur ou du plombier qui lui est arrivé quelque chose. Mais quand on le ressort de l'hôpital, alors là, oui, là, la personnalité, elle est là. D'ailleurs, il doit prier pour que ce ne soit pas les mêmes ambulanciers, là. Mais là, il y a une personnalité qui fausse bien des choses. Alors, la personnalité, si elle meurt, c'est pas un problème, parce que l'être humain reste. Il faut bien comprendre que si on s'identifie dans sa personnalité, si celle-ci change, j'ai lu dernièrement que ça prenait 10 ans pour arriver à s'habituer à son âge. Bon. C'est un peu vrai. Fait qu'on est toujours poigné. La personnalité, on s'identifie dedans. Puis lentement, ton corps change. Alors, là, faut que tu t'habitues à ta nouvelle personnalité. T'as pas de nouvelle personnalité dans la réalité. C'est le même maudit être humain dans un corps qui te plaît de changer. Ben, qui change? Qui change? Bon, hein? Il y a un bouton qui pousse, il y a des cheveux qui tombent, il y a des plis qui apparaissent, des rides, et bien, ça n'est pas ta personnalité. Bien, ça me rajeunit, hein? Je me teins les cheveux. Ça te rajeunit? Tu vas vivre combien d'années de plus? Ça te rajeunit pas. Ça rajeunit ta personnalité, mais ça ne change rien dans l'homme, dans la femme, dans l'enfant. Alors, ce qui fait que finalement, la personnalité, on devrait tous tomber en bas de sa boîte de toilette. OK, mais alors, pour en venir à ma question, là, quand on reste éveillé à cause d'une pensée qui nous trotte dans la tête... Qu'est-ce qu'on doit faire? L'envoyer chier. Et puis s'endormir. Sauf que, quand on dit ça, tu dors facilement, hein? Oui. Voilà. Mais si tu ne dormirais pas facilement, tu dirais, oh, ouais, c'est beau. Mais ça marche pas. Quand on s'endort facilement, la vie est plaisante. Quand on fait des cauchemars tout le temps, la vie est bien plate. Quand on fait des beaux rêves, on est le héros ou l'héroïne, enfin, où il se passe rien de trop dramatique, ça va. C'est bien fun. Le problème qu'il y a, c'est que c'est pas ces humains-là qui sont manipulés. Ceux-là sont trop puissants, ont un peu trop d'ego, et c'est intéressant et c'est bon. Ils ont de la puissance. Mais cette puissance, elle peut se transformer en pouvoir au niveau de l'ego, ils peuvent finir par arriver à se faire croire des choses. Puis à un moment donné, s'ils rentrent en contact avec leur ajusteur de pensée, ils se feront taper dessus par lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'ajusteur qui va parler. Tu commences à m'interviewer. Alors il se peut qu'après 2 ou 3 conférences, que tu te couches, et que ça continue à poser des questions. Et oui. Et là, tu vas dire, bon, prochaine conférence, on répondra, OK? Ça va continuer à poser des questions. C'est l'ajusteur de pensée qui est fou comme le mort, qui traite bien gros d'avoir maintenant l'ouverture par un canal chez l'homme. Et l'ajusteur de pensée aussi, étant donné que l'homme doit être son seul maître, doit aussi être éduqué par l'homme, alors à un moment donné, l'humain doit apprendre à lui faire fermer sa grande gueule. Alors, ça fait compliqué. T'sais, la pensée, elle te parle dans la tête. Quand tu arrives à la contrôler par l'ajusteur de pensée, ben c'est le cadre maintenant qui te pose des questions. Ou que tu réponds carrément. Tu te couches, tu viens pour t'endormir, puis là, tu vois un poisson qui se promène. Parfait. Là, d'un coup, tu le vois transparent, pas tout le système digestif, le système physiologique. Pas pire. À un moment donné, il dirige vers toi, il ouvre la bouche, puis il te pénètre dedans. Puis là, tu commences à tout à suivre un cours d'anatomie PCN. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Il faudra que je me tienne éveillée, puis que je continue à penser. Ça, c'est une chose intéressante, juste qu'à un moment donné où ton corps physique va avoir besoin de sommeil, là, il va falloir réellement que tu fasses une petite colère mentale, que tu fasses une petite crise, pas trop émotive, pour leur expliquer, enfin, lui expliquer. Présentement, l'ego peut parler en étant, disons, comme si c'était lui, en réalité, c'est toi. Pour qu'à un moment donné, tu puisses dormir. La personne qui te fait charrier, qui te fait royalement vomir, gueuler dans sa conscience par la pensée. Parce que la conscience, ce n'est pas la pensée. La conscience, elle est consciente qu'il y a la pensée. On peut s'identifier, on peut dire, oui, mais moi, ma conscience, c'est quand je suis conscient, je l'exprime. Non. Oh. Quand t'es conscient, tu peux être conscient exclusivement de l'instantanéité. T'es conscient que tu vis. Tu dis jamais, je connais que je vis. Tu dis, je sais que je vis. T'as pas besoin de le lire, t'as pas besoin qu'on te le répète, t'as pas besoin de rien de ça, c'est instantané. Et ce n'est pas mémoriel, tu ne sais pas que tu vis parce que tu te rappelles que t'as vécu. Pas besoin de ça, tu sais. Ça, c'est ce qui passe directement chez l'homme, sans passer par l'ajusteur de pensée, mais qui ne donne pas grand-chose à l'homme à part la conscience de sa vie. Lorsque la pensée pense continuellement dans la tête de l'homme, eh bien, l'homme doit s'arranger pour pouvoir lutter, mais pas lutter par concentration, c'est de la pensée concentrée, d'être centré sur le compte. Bon, l'homme ne doit pas non plus, il peut traire la pensée. Je vais vous expliquer comment dormir. Ça peut être intéressant, mais là, pratiquez pas ça ici ce soir. Deux secondes avant d'ajouter le pensée. L'homme, présentement, l'ego, lui, l'âme, dans l'antiquité, l'être humain dormait plus facilement. Mais plus l'âme qui a besoin de nourriture, retrouve à l'extérieur des choses qu'elle peut aller voir, le vidéo, la télévision, la radio, les livres, les cossins, les ci, les cela, plus il découvre qu'il n'a plus besoin du voyage astral, c'est-à-dire du rêve, pour aller chercher des nouveautés, il peut maintenant les prendre éveillés. Alors, l'individu qui se couche parce que physiquement il est fatigué, eh bien l'âme, l'ego, ne veut pas faire ce voyage dans le monde de la mort, dans le monde astral, dans le monde du rêve, parce que lui, ben, il est très très bien satisfait, éveillé. Et autre chose, l'ego, lui, ne voudra plus partir dans un monde de sommeil s'il ne se sent pas totalement en sécurité. Alors, il y a des moyens d'obliger l'ego à se sentir en sécurité. La première chose à faire, c'est de se coucher. Ça l'aide, bon. Parce qu'à un moment donné, il faut décider qu'on se couche. Il y en a qui se couchent toujours trop tard. Il faut décider de se coucher et il faut avoir un scénario astral, psychologique à jouer, c'est-à-dire, c'est une très bonne technique pour arriver à dormir, c'est de s'imaginer, bon, j'expliquais ça à un moment donné à mes enfants, tu t'imagines que tu es dans une immense petite machine, intéressant, immense par sa puissance, pas trop grosse, une d'acier, blindé, là, bon, puis là tu te promènes sous la terre avec ça. Puis ça gruge tout, là, il y a le tronçon, puis ça pousse à terre, puis ensuite, bon, tu sais, il y a ça l'avale, puis ça la chie, bon, c'est très bon. Et puis, à travers cela, ben, il peut y avoir des ennemis. Parce que les ennemis, c'est la réplique de tous les problèmes de l'homme. L'ego a peur. On est dans une société qui stresse. L'humain n'est pas stressé pour rien. Ce n'est pas nécessairement consciemment, mais de toute façon, on met tous des ennemis. Mais ta machine, c'est destructeur. Là, l'ego, lui, qui est dedans, toi, tu te vois dedans, et là, tu t'en vas faire une veille, tu conduis ta machine, tu vois des bébés, t'en tires quelques-uns, mais là, il y a deux, trois personnes avec toi, ce qui fait que là, tu t'en viens te coucher maintenant, c'est ton tour de sommeil, c'est le tour à un autre de prendre la garde. Tu rentres dans ta petite chambre, tu fermes ça, t'es tout seul, t'es bien, la machine veille sur toi, elle marche, elle avance dans la vie, les ennemis sont contrôlés, il y a des ordinateurs, tu l'auras, puis là, tu peux compter ta journée à l'autre à côté qui dort aussi, parce qu'il y avait deux vigies, par exemple. Et puis, tu sais, bien, puis là, l'ego, ben, il vient en bas. Et puis, tu te réveilles le lendemain matin, ou à 4 heures pour les invétérés, mais tu t'es endormi. Alors, la petite machine, ça peut être un vaisseau spatial, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un sous-marin, mais il faut toujours que ce soit quelque chose qui sécurise l'ego. Et à l'intérieur de la sécurité, il doit y avoir un autre mécanisme de sécurité et des ennemis à l'extérieur, des contraintes en tout cas, où de temps en temps, tu peux sortir, aller faire une guerre à des étoiles, puis leur venir te reposer là-dedans. C'est bien. Et ça amène l'humain facilement à dormir. Quand l'humain voit sa peur dans sa tête, il doit lentement placer ça sur vidéo. Fait que lentement, il crée une scission entre tout ce qui est dans sa tête, puis là, c'est le vidéo. Alors, on pourrait dire, il y a rien qu'à l'éteindre, mais ça marchera pas comme ça. Il y a le vidéo qui est là, il doit faire entrer quelqu'un, jaser avec un autre, et puis là, lentement, les choses se passent. Ça, c'est un moyen, non pas de contrôler, mais c'est un moyen de, en termes québécois, n'est-ce pas, de fourrer sa pensée. De la jouer, mais complètement. Par la pensée. Étant donné que tu permets à la pensée de penser, mais que tu enlignes la pensée, ben elle ne te nuira pas. Et lentement, l'ego devient sécur et il a du fun à penser dans le sommeil et puis il décolle. L'ajusteur de pensée, lui, peut travailler dans le sommeil, mais l'ajusteur de pensée va surtout travailler dans le cauchemar. Bon. Et autrement, dans le monde éveillé, l'ajusteur de pensée travaille d'une façon orale. Plus souvent que par la pensée. Lorsque l'être humain pense, il vient poser des choses, ça fonctionne pas, il peut en même temps penser émotivement, il peut avoir peur. Sauf que l'homme qui pense, la femme qui pense, l'enfant qui pense, n'a pas nécessairement suffisamment de conscience attentive ou d'attention de conscience pour pouvoir diagnostiquer le degré ou l'état de sa pensée. Par contre, s'il parle, il ne peut pas se laisser jouer. Si la voix est émotive, il saura que la pensée est émotive. Si la voix est mentale et précise, il saura que cela est. S'il dit des mots qui sont cons, il pourra, s'il est attentif, s'en rendre compte. Mais savez-vous c'est quoi le problème au niveau du contact avec l'ajusteur de pensée? C'est que si on parle, on a l'impression que personne ne sait. Si on parle et que c'est con ou on se trompe, on sait que les autres oreilles ont capté et que bien souvent, tout ce qui est dit est retenu contre nous. Bon. Alors, l'humain ne parle pas trop. Parler tout seul, c'est digne d'un fou. Vous savez qu'entre le fou et le sage, pas grande différence. Sauf que le sage s'en fout et le fou le sait pas. Bon. La personne doit parler. C'est pourquoi on doit arriver à développer le dialogue. On doit arriver à pouvoir parler avec les gens. L'écoute n'est pas nécessaire. Si on veut être entendu, on a besoin d'une oreille attentive, c'est qu'on recherche à traiter l'énergie émotive de l'autre, mais ce n'est pas qu'on veut développer l'ajusteur de pensée. Mais qu'est-ce qui nous empêche de nous exprimer, de bien exprimer notre pensée? La pensée. Ce n'est pas la pensée. La pensée ne peut pas être bien exprimée, c'est la pensée elle-même qui te fout. La pensée, elle chemine, elle se promène. La personne vient pour dire quelque chose, et en même temps, il y a une mémoire qui te fait dire, « Hey, la cage, je t'ai jamais parlé devant les autres. » Alors, t'as tout oublié. C'est con, mais c'est niaiseux. Bon, c'est ta première expérience, ça fut très intéressant. Il y a des personnes, de temps en temps, que, bon, j'invite à faire de la télévision. Alors, il y en a une, elle est mécanicien, puis elle vient parler de mécanique. Alors, elle connaît ça. Ah, bonjour, monsieur, vous êtes mécanicien. Oui. bon... Pensez-vous que la mécanique peut être facilement apprise par des individus qui liraient ça dans des livres? Ben moi, j'ai un garage, et puis dans mon garage, il y a des gens qui viennent, ils posent des questions des fois. Elle connaît tout, hein? Elle connaît tout, rien pas tout. Elle est faite. Il y a une personne qui s'intéressait à m'interviewer dans une émission de télévision, puis il fallait mettre une serviette à terre, parce que chaque fois qu'on me prenait, elle s'essuyait. Et ce n'est pas une part. Et pourquoi la personne le sait, elle sait que c'est l'ego. Et il y a une chose très importante que l'être humain doit comprendre, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir la conscience, le mental de faire une chose, vous allez savoir que vous devez le faire, ou vous allez simplement vouloir faire une chose, et vous allez vous rendre compte qu'en même temps, il y a un maudit cadre qui s'exprime chez toi, tu rencontres quelqu'un, puis t'es tout mouillé, tu te suis, c'est-tu imbécile? Ben, sache que c'est imbécile, parce que c'est la seule façon d'arriver au contact avec l'ajusteur de pensée. Sauf que frustre-toi pas, présentement, il y a une mécanicité, l'ego, l'âme qui s'exprime, la pensée qui ne pouvant pas s'exprimer nécessairement par la tête, le système neuronique ou la parole, elle s'exprime par le corps physique. Alors, à un moment donné, l'humain pourra savoir que c'est stupide, il commence, il bégaye, le cœur, il palpite. Sache-le, observe-le, fous-toi-en, puis essaie de faire quelque chose. Et lentement, le mental travaille, même si l'ego s'exprime. J'ai travaillé avec une personne, moi, qui rougissait du moment qu'on lui faisait un compliment. Alors, à un moment donné, quelqu'un rentrait, « Mon, tu as bien beau manteau. »« Ah, t'es toute rouge. Tout ce qu'elle a trouvé à dire, je le sais que c'est rouge. » Bon, elle est génétiquement, endocrinalement, reliée à l'expression de ce petit très, très, très infime de son ego dans le corps. Elle a un vaisseau de dilatation des vaisseaux et elle devient rouge. Bon, je le sais que je deviens rouge, OK? Moi, je deviens pas rouge. Mon corps le devient. La personne, elle doit s'arranger continuellement pour développer le contact avec l'ajusteur de pensée. Elle doit s'arranger pour pouvoir créer le dialogue. Elle doit trouver des humains avec qui elle peut parler. Mais pas parler de choses et d'autres. Elle doit s'arranger, bon, pour développer convenablement l'ajusteur de pensée, ce qu'il voudrait faire, la première expérience à faire, à part évidemment parler et s'enregistrer pour s'écouter niaiser, première chose à faire, ça serait d'avoir quelqu'un avec qui on, à qui on peut poser des questions. Mais attention, c'est important. On doit commencer et vous allez voir comment ça peut être puissant, ce petit jeu. On est deux. Tu me poses une question sur un sujet. Alors moi, j'essaie de t'en poser une sur le même sujet, mais plus puissante. On ne répond pas aux questions. On pose des questions. Qu'est-ce que Dieu? C'est tout à l'heure. Qu'est-ce que Dieu avait bien dans la tête quand il a créé la reine? Où est la tête de Dieu? Attends, oui, là, il y a quoi? L'autre, là, il est fucké bien raide, parce que là, il est bloqué dans où est la tête de Dieu. Il ne faut pas qu'il dise Dieu est partout, c'est pas une question. Est-ce que Dieu est partout? L'autre répond, si Dieu est partout, il est dans l'homme. Si Dieu est parfait, l'homme est-il parfait? Fait que tu continues. On est deux. Et puis là, là, tu t'instruis énergétiquement sans t'instruire par la parole. Parce qu'à un moment donné, là, tu poses une question, ça va la chair de poule. Tu as posé une question, tu as senti quelque chose passer dans la colonne. Tu vas continuer à poser des questions, l'autre pose des questions, puis à un moment donné, tu vas voir que tu vas te sentir étourdi, enivré, ivre. Là, tu ne sauras plus, là, tu vas... mais bon. L'homme doit suffisamment être un égoïste, sans égo, pour ne pas s'attendre à avoir des réponses à ces questions, parce qu'en posant des questions, il va forcer l'ajusteur de pensée à intervenir, et de cette façon-là, il posera des questions d'une force telle qu'elles pourront facilement ébranler toutes ses béquilles. Alors lentement, il devient un peu plus son seul maître. Il devra ajuster sa pensée, il devra ajuster sa parole, il devra créer une autorité mentale dans le monde astral, il devra être capable de prononcer son nom. Enfin, il y a plusieurs choses qui vont embarquer. Mais premièrement, je jouais au jeu de la question. On est deux ou trois ou quatre, pas de problème. Il n'y a pas de pointage là-dedans, c'est chacun son tour. Puis on a secondes. Mais maintenant, on va être secondes. Parce qu'il faut qu'on ait une chronologie, parce que sinon, ça laisse le temps à la pensée de fouiller. Pour que la pensée fouille. Faut que ce soit qui est Dieu. Clic. 5 secondes, c'est en masse. 5 secondes, c'est à mon tour. On clique. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Et bon, on commence, on fait du cliquage, là. Ça clique pas. Bon. Mais à un moment donné, il faudra que la personne s'essaye. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Répète-la. Tu veux que j'ai la tête? Non, non, non. Mais là, tu... Et puis à un moment donné, ben, elle s'instruit. 5, banal, essayez ça. Laissez-vous pas trop de temps. Puis essayez toujours de poser une question plus puissante que l'autre. Et la question finale du concours de la semaine, écrivez-la sur un papier, puis amenez-la ici. On la répondra. C'est facile? Ça se fait. Ça va vous donner une idée de ce que c'est qu'une intelligence supramentale. Ça va vous donner une preuve tangible que cette chose-là se peut. Ça va vous donner la preuve que l'ajusteur de pensée est quelque chose qui neuroniquement fonctionne. Demandez-lui pas. Parlez. Posez des questions. Des questions sévères. Des questions sérieuses. Des questions qui peuvent même démolir, débattre, remettre en question. Des vieilles questions. Et ça, c'est important parce que là, il y a une puissance. Là, l'ajusteur de pensée s'impose. Et lentement, vous allez avoir des questions tellement orchestrées que vous allez sentir que dedans, il y a de l'énergie. Cette énergie-là s'appelle la réponse lorsqu'elle est assimilée par un cerveau qui est capable de l'assimiler. Bien souvent, l'humain a un cerveau qui lui permet d'enregistrer. Qu'est-ce que c'est que la question-réponse? La question-réponse, c'est un phénomène vibratoire. C'est quelque chose qui rentre dans la conscience amique ou astrale de l'âme ou qui vient chatouiller ses neurones et l'être humain la décortique. La décortiquant par son impatience astrale égoïque, il n'est pas capable de la décortiquer dans son ensemble. Il la décortique un tout petit peu, et lorsque ce tout petit peu est décortiqué, il est là, il voilà, Et c'est la question qui manquerait. Dans n'importe quelle réponse, si je te donne une réponse au un tiers de la réponse, tu verras qu'il manque des bouts, donc c'est une question. Tout ce qui reste à faire, c'est rajouter le point d'interrogation parce qu'il manque le reste. Si l'humain serait patient, mais la patience ne peut pas apparaître dans un être humain trop égoïsé, trop pensant, trop réflexif, nécessairement, lorsqu'une chose vient chez lui, et voilà, c'est la question. Et puis après ça, il va chercher la réponse, parce que ayant attaché de l'importance à une partie de l'énergie, ça coule, hein? Fait que là, t'es à la recherche de la réponse. Il y a des humains, à un moment donné, qui sortent une parole extraordinaire. Hein, rien ne sert, il faut toujours. Bon, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une pensée. Ça, c'est la réponse. Il manque maintenant la question. Mais l'humain tripe bien plus quand il sort la réponse et quand il sort la question. Mais c'est la même chose. Parce que même dans cette réponse, on pourrait la changer et poser la question. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ce jeu du dialogue, c'est que l'être humain doit poser la question et s'il est capable, juste la poser et l'écouter vibrer. Il va découvrir qu'à l'intérieur, lorsqu'elle est suffisamment inaltérée, il y a la réponse. Tout à l'heure, vous avez dit que l'ajusteur intervenait plus souvent dans le cauchemar. Pourquoi donc? Bon. L'ajusteur de pensée, dans le sommeil, intervient surtout dans le cauchemar. Donc, il intervient dans le réveil, par la parole, pour commencer, mais dans le sommeil, surtout dans le cauchemar. Pourquoi? Parce que lorsque l'être humain rêve un cauchemar, ce cauchemar ne peut pas être spirituellement spirituel. Il ne peut pas être émotivement plaisant. D'ailleurs, on l'appelle aussi cauchemar. Dans le cauchemar, tu peux perdre. Tu peux mourir, tu peux voir tes yeux arrachés, ton bras peut te faire enlever, tu ne peux pas crier, puis on t'amène sur le dos, puis tu essaies de crier, puis ça marche pas. Tu t'accroches après la porte, puis la porte vient, en tout cas, puis là, ça ne marche pas. Nécessairement, l'ego, qui présentement vit le cauchemar, vit un état de désillusion totale. Il est perdu. Alors, c'est une porte suffisamment correcte pour qu'une raison, une solution logique arrive dans la tête du rêveur ou du dormeur, et finalement, si l'ajusteur de pensée fonctionne suffisamment puissamment, la personne va se calmer. Je donne l'exemple de personne qui se fait enlever, elle va se calmer, elle va observer, l'ajusteur de pensée est en train de la placer, c'est-à-dire qu'il est en train de créer une liaison qui un jour sera consciemment serviable, mais qui présentement est en train de se créer dans le cauchemar. Il y a beaucoup d'individus qui vont dire ne pas vivre de cauchemar, mais ils ne s'en rappellent pas nécessairement. Et alors là, le contact se fait lentement parce qu'on oblige l'ego à être tellement court-circuité dans le stress, dans la panique cauchemardesque, que ça permet à l'ajusteur de pensée de pouvoir arriver et commencer à créer le contact avec l'âme. Évidemment, c'est le corps physique qui travaille, la personne sera suffisamment agitée pour démontrer qu'il y a quelque chose qui tripote les neurones. Alors voilà pourquoi l'ajusteur de pensée dans le sommeil intervient surtout au niveau du cauchemar. Jamais ou à peu près jamais dans le sommeil convenable, lorsque c'est qu'un maître ou lorsque c'est quelque chose qui vient nous parler ou lorsqu'on voyage et qu'on voit des belles choses, bah, profitons du voyage, il coûte pas cher, mais faut pas faire confiance à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, ni dans le cauchemar, ni dans le rêve. Des gens, des fois, qui peuvent se sentir prêts pour recevoir l'ajusteur de pensée, mais il n'y a rien qui se passe. Voilà. La personne qui se sent prêt, c'est que la pensée pense que c'est temps de devenir bon. Bon. C'est très pratique, commode, d'avoir un autre esclave, l'ajusteur de pensée. Le problème, c'est que l'ajusteur de pensée ajuste la pensée. Alors, la pensée qui est prête à être ajustée, ça n'existe pas. La pensée qui est écœurée de souffrir, ça existe. La pensée qui est écœurée d'être désillusionnée, ça existe. La pensée qui se court-circuite, ça existe. Chaque fois qu'on court-circuite la pensée, on permet l'expression de l'ajusteur de pensée. Le Zen emploie le koan, qui est un court-circuitage de la pensée. Dans le séminaire que je donne, c'est souvent ce qui va arriver. La personne me pose une question, et puis moi je lui réponds en lui en posant une question. Elle m'en pose une, j'en pose une, m'en pose une, j'en pose une, et puis je ne fais que par le biais de son ajusteur de pensée, diriger sa pensée pour qu'elle arrive à un cul-de-sac. Lorsqu'elle est court-circuitée, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais il n'y a pas de souffrance, il n'y a rien. Il n'y a que la recherche de quelque chose dans la tête d'un individu. Et ça, c'est de l'énergie qui nourrit ton système neuronique. À un moment donné, il n'y a rien, et tu vois, tu sais. Tu n'as pas encore développé la parole, tu ne pourras pas l'exprimer, mais tu sais, l'ajusteur de pensée, maintenant, vient de placer des choses. Alors, il y a une période de questions, vous les posez sur n'importe quel sujet, sur le phénomène de l'ajusteur, chose là, ça va de soi, et puis on revient après la pause. Alors, à tout à l'heure. Thank you.